J'ai les ailes comme un oiseau et des yeux bleus comme une femme. Mon front porte un astre de flamme. Je suis toujours joyeux et beau. Les plis de ma robe azurée reflètent le vaste empyrée. J'ai pour spectre un lys toujours blanc. Je console l'enfant qui pleure. Je ramène dans sa demeure le pauvre agneau faible et tremblant. Mon existence est un cantique. Mon palais, le ciel est magnifique, d'astres d'or toujours diaprés. Le soleil est mon auréole. Sous mes pieds, la lumière vole comme un beau nuage doré. Du bonheur, je suis le bureau. Je suis le blond qu'on s'est aimé, car écoutable, pas toujours. Je suis l'idéal des amours. Je suis le mystique, peut-être, et ce que l'homme voudra être. Tout empreinte à son revers. Au visage charmant et rose, répond la vieillesse morose. Le malheur parcourt l'univers. Porté sur les ailes taciturnes de l'oiseau vorace et nocturne. Et voici venir l'ange affreux, le nègre au visage hideux, aux cornes toujours menaçantes, aux dents livides et grinçantes. Il me suit toujours pas à pas. Où je fais fleurir l'espérance, il entraîne aussitôt le trépas. Il s'éclaire la souffrance. Enfant, ne le redoutez pas. Contemplez ma lumière sans jamais regarder derrière. Il faut à l'astre étincelant un repoussoir funèbre et sombre. Suivez-moi, je suis l'ange blanc et l'ange noir n'est que mon ombre. Thank you. suis l'ange blanc et l'ange noir n'est que mon ami.